Vous êtes rock ? Vous êtes blues rock ? Alors rendez-vous tous les jeudis de 18h30 à 20h sur RQC 95 FM dans l'émission Telling You. Telling You, avec Marie et Francis. Vous aurez du blues, vous aurez du rock, vous aurez du blues rock. My pretty baby, she's the way I dream. Pretty little thing you ever did see. My baby knows how to dress so neat. Stop the traffic on the street. Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr RQC 95 FM dans l'émission Telling You. Avec moi, comme tous les jeudis, Francis aux manettes. Oui, bonsoir Marie, bonsoir à tous. Alors ce soir, Telling You, ce sera pas mal de coups de cœur pour moi. J'ai été fouillée dans les boîtes, comme on vous disait la semaine dernière, et j'ai ressorti des albums que j'aime bien et qu'on oublie de temps en temps de vous passer. Et toi, Francis, je crois que dans ta besace, tu n'as emmené que des nouveautés. Que des nouveautés, oui, qu'on pourra trouver chez Blind Record pour, si ça vous plaît, si vous voulez les acheter, vous pourrez aller tapoter sur l'ordinateur. Et puis, c'est ça, ouais, Blind Record. On verra, il y a différents labels. Il y a aussi V Records qui t'a envoyé un autre album. Ouais. Voilà pour ce Telling You. Found my baby 3 years ago. She gave me the key to her door. Found my baby down New Orleans. Pretty little thing on the TV screen. Et je vais donc commencer ce Telling You avec deux groupes que j'affectionne particulièrement. Nous allons commencer avec les Français, les Jesus Volt, et nous enchaînerons ensuite avec les Américains des Imperial Crowns. Got the flat on storm and tempo. Dancing all around. dress like a pimp, sing like the devil. J'ai choisi les deux titres de ces albums qui donnent leur nom à l'album. Pour les Jesus Volt, c'était Baya Candildo, album sorti en 2012. Et pour Imperial Crowns, que l'on vient d'écouter, c'était The Calling. Première nouveauté pour toi, Francis, c'est une dame qui ouvre ta rubrique. Mm-hmm. Une charmante dame, oui. Sur le petit échantillon qu'on a de la pochette, elle est toute de cuir vêtue. Mm-hmm. Une guitare à la main, c'est donc une chanteuse guitariste qui s'appelle Laura Cox. Elle est française, mais bon, avec ce nom de Cox, on pourrait penser qu'elle a des petites branches anglo-saxonnes, un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère. Peut-être. Laura Cox Band. Toujours est-il qu'elle nous produit un premier album. Et elle dit elle-même que, bien consciente d'être à contre-courant de la scène française actuelle, elle veut faire de sa différence une force en continuant à jouer la musique qu'elle aime. Du rock'n'roll, du rock old school dans sa plus simple forme. Tout un programme. Donc voilà, c'est un album qui réunit 10 compositions efficaces. Et ça va, ça c'est la production qui nous dit ça. Ça va du vieux bluegrass américain au hard blues australien, en passant par le rock sudiste texan. Et ça se termine, pour le dernier titre de l'album, ça se termine par une touche acoustique et mélancolique. Ben, on va se goûter le style rock sudiste texan en écoutant donc Laura Cox qui va nous jouer ici avec son band qui va nous jouer ici Morning Road, Laura Cox. C'était le Laura Cox Band dans le style rock sudiste texan. Et si ça vous a plu, Marie, oui, vous savez que je suis, mon dada, c'est l'agenda. Ouais. Et j'ai vu que Laura Cox, elle bien sûr, c'est en France, mais elle est sur plein de festivals en France. Et alors, de mémoire, parce que je n'ai pas ma page du mois de septembre avec, elle est à l'affiche de The Village Goes Crazy, qui a lieu au mois de septembre à Bredene, près de Ostende. C'est simple, hein, vous allez sur piqueblues.fr, puisque maintenant... J'allais oublier, le nom de notre site a un peu évolué. Vous allez sur piqueblues.fr et vous trouvez toutes les dates de concert dont je viens de vous parler. Oui, bah alors si ça vous plaît, Laura Cox Band, on va s'en faire un petit second. Dans le style, cette fois, hard blues australien, on écoute Laura Cox, extrait de son nouvel album Hard Blues Shot, justement, paru chez Very Chords. Voici. Morning Road, Laura Cox. We'll be right back. dressed, honey. You will see I don't bite. You're gonna implore me to never stop, baby. You're gonna clench your teeth and focus on the way I'm going, going, going, going down. I'm going down. Down, down, down. I'm going down. C'était bien Laura Cox. C'était le titre Going Down. On le répète assez souvent, mais c'est bien fait. Hein. C'était bien, oui, c'est très bien parfumé, oui. Hard rock, blues rock australien, mais c'était bien fait. Laura Cox. Et si elle passe près de chez vous, bah oui. Donc si elle vient en septembre, on aura en plus l'occasion d'en repasser. Exactement. Et ben alors maintenant, puisqu'on est en Belgique, allez, pourquoi pas du blues belge. Et oui, trois groupes. On commence avec Little Hook, c'est le nouveau projet de Renaud Le Cire, qui est donc sur cet album à la guitare et au chant, de Big Dave Reynier, qui est à l'harmonica, de Bart Mulder à la guitare et à la basse, et de Steve Wouters, qui est au percu et à la batterie. Je vous propose d'écouter un titre coécrit par Renaud Le Cire et Big Dave, Hooked. We'll be right back. you're hooking me. Et après Little Hook, Rusty Roots, autre groupe belge. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas entendu parler de Rusty Roots. Ils sont en break, alors je ne connais pas la raison, j'avoue que je ne leur ai pas demandé. J'ai eu le plaisir de vivre un petit bout d'aventure avec eux. Je les aime beaucoup, ce sont des personnages très sympathiques et ils ont une musique original. Leur dernier album sorti en 2011 s'appelle Something Ain't Right. Voici Wake Up. I got away last night. You know she's driving me insane. I got away last night. She knows she's driving me insane. Don't wanna wake up in the morning. Don't wanna wake up in the morning. Don't wanna wake up in the morning. Don't wanna wake up in the morning. In the morning. Ooh. I got this crazy feel. It makes me creeping through the night. That woman just can do right. Don't wanna wake up in the morning. Don't wanna wake up in the morning. Don't wanna wake up in the morning. Don't wanna wake up in the morning. In the morning. Don't wanna wake up in the morning. 'Cause I'm scared of my baby. Thank you. from this living hell. Don't wanna wake up in the morning. Don't wanna wake up in the morning. Don't wanna wake up in the morning. Don't wanna wake up in the morning. In the morning. Voilà, chers auditeurs, pour Rusty Roots, par contre, j'ai commis une petite erreur. Something Ain't Right n'est pas le dernier album de Rusty Roots. Leur dernier album a été produit par Mario Gossens, qui est le batteur des Trigger Finger. Et c'est justement avec Trigger Finger que je voulais terminer cette petite rubrique du blues belge. Sur un très vieil album, puisque c'est leur album sorti en 2005, qui s'appelle tout simplement Trigger Finger. C'est par cet album que j'ai connu ce groupe et j'ai craqué sur ce Commotion. Fingerfinger qui fait une très belle carrière et je crois qu'on peut en dire autant de l'artiste que tu vas nous présenter, Francis. Oui, il a fait parce que bon, maintenant il est sur la pente descendante, comme on dit. Oui, il est plutôt jeune, moi non plus. Hein. sa carrière, elle est plutôt derrière lui. C'est Monsieur Mick Clark qui a commencé dans les années 60. Au moment du fameux British Blues Explosion, comment on dit ça, ouais, l'éclosion du British Blues, dans les années 60. Donc il est British, hein, c'est-à-dire il est grand-breton. Et en 68, il avait commencé avec un premier groupe qu'il avait fondé, qui s'appelait ce groupe Killing Floor, qui a eu son petit succès. Et puis, il a continué aussi dans les années 70 avec un autre groupe qui s'appelait Salt. Il a joué pour quantité de musiciens sur scène, en fait. Il était un peu musicien de session. Monsieur Mick Clark, et nous l'avons même vu maintenant. Il tourne toujours, hein, surtout en Europe, mais avec ce Mick Clark Band. Et on l'a vu il y a... Allez, 3-4 ans, oui, peut-être. 2013, il me semble 2013, que tu as dit. 2013, oui, au Seven Night to Blues de Saint-André, en France. Et puis là, voilà, il nous sort un nouvel album. Ça doit être au moins le 16-17e album de Mick Clark. Ici, il nous sort en 2007 un album qui s'appelle Digging Down. Et ben, je vais vous proposer un titre, c'est Crack in the Wall, Monsieur Mick Clark. Downtown at the noodle bar, we gotta get fit, 'cause we're here. C'était Noodle Bar de Mick Clark, extrait de donc ce nouvel album qui est sorti là, cette année, Digging Down. Alors Mick Clark, oui, ben, c'est un très bon guitariste qui n'a pas fait la une de tous les journaux, mais quand même, il est talentueux, du feeling, de la finesse, et bon, quand même réputé pour un blues un peu lourd quand même, à l'origine, entre Cream et Savoy Brown. Toujours est-il que, je vous disais, il tourne toujours, hein, c'est pas une superstar, mais voilà, il tourne toujours, depuis 50 ans, il arpente toutes les scènes, les festivals, surtout en Europe. Alors on va écouter là un deuxième extrait de ce Digging Down, 13 titres sur cet album, et on va écouter le Crack in the Wall, Mick Clark. A crack in the wall, looking back at me. It's a crack in the wall. A crack in the wall, but it ain't my business. I don't care what to do over there. That dog's gonna bark way across town. It's not my concern about what goes down. It's a crack in the wall. Crack in the wall, but it ain't my business. I don't care what I do over there. voilà donc pour Mick Clark, Francis. Oui, oui, oui, oui. Voilà, moi je suis très occupé, j'ai les bras qui vont dans tous les sens. Et... oui, Mick Clark, extrait de son album Digging Down. Bon, on en repassera peut-être, pourquoi pas, la semaine prochaine. C'est très bien ce qu'il fait. C'était Crack in the Wall, Mick Clark. On continue avec un artiste français. Il s'appelle Mr. Beauweevil. Mr. Beauweevil, c'est lorsqu'il se présente seul sur scène, mais son dernier projet, c'est Beauweevil and Band. Là, c'est 6 musiciens sur scène, ça fait vraiment une différence. C'est une musique atypique. J'aime bien ce que fait Mathieu Fromont, de son nom. Donc, c'est un groupe, je vous le disais, français. Et je vous propose d'écouter I'm Just an Animal. Bow Weevil and Band, deux dates de concert pour eux. Alors, ils seront à l'affiche de la Nuit du Blues qui a lieu à Fleurus, à l'ancienne abbaye de Soleilmont, le samedi 10 juin, qui commence à 14h avec, entre autres, Walter Bros and the Mercenaries et Harp 4, concept qui regroupe sur scène quatre harmonicistes belges, Big Dave, Steven De Bruyne, Steven Trock et Baby Paul. Et Bow Weevil and Band seront également en France le vendredi 9 juin au Croque-Note, c'est à Martinsart près de Seclin. On continue avec un autre groupe français. Lorsque leur album est sorti, je vous ai rabâché les oreilles avec ce groupe qui s'appelle Scarcrow. Il y a très longtemps que je n'en ai pas passé. Leur album, donc sorti en 2013, s'appelait Devil and Crossroads. Voici My Load. Come in my home, everything is free. Some guy upstairs give you the sheriff star for the control of me. They got a boulevard. Come on, chief, to the police. Some guys upstairs told you I'm a Z, but I'm not alone, and we're waiting for you. We hit this brick in your face. What else can we do? Je suis écœuré par le pouvoir, les lois, cette répression qui rôde autour de nous presque à chaque acte, mais sous tension. La liberté n'est plus qu'une imagerie de conte pour enfants. La propagande flash les cerveaux par le biais d'un petit écran. La mode est à la surenchère de l'asservissement, à finir en moutonné, esclave au teint jaunissant. Du boulet au boulot, les taux se serrent, le but d'aller plus haut. Plutôt pas se faire emmerder par le con qui trempe dans son château. Voici ma joie de vivre où tout devient possible. À coup de populisme, la bergerie courbe les chines. L'extrémiste passe en revue ses troupes blasées et passéiste. La vidité trône dans la trône d'élu. Protect me. Just come in my home. Everything is free. Some guy upstairs give you the sheriff star for the control of me. They gotta pull the bar. Come on, chief, to the police. Some guy upstairs told you I'm a thief, but I'm not alone, and we're waiting for you. We hear this beef in your face. What else can we do? T'ont emmené, eux ils divisent pour mieux régner. Nos libertés s'effacent pour que le dictat fasse son entrée. On recule par manque de courage ou manque d'intérêt. Au final on retrouve le bourreau trônant sur le mur de nos foyers. Les peuples ont la mémoire courte de vieilles lacérations. Ces chaînes rouillées qui rongent la chair et se propagent tel un poison. Surtout ne pas penser dog d'une génération rongée par le formatage d'idées qui nous laisse dans une prison attendant le jour de gloire et la foule en liesse. You wanna protect me. Just come in my home. Everything is free. Some guy upstairs give you the sheriff star for the control of me. They gotta boo the bar. Come on, chief, to the police. Some guy upstairs told you I'm a thief, but I'm not alone, and we're waiting for you. We hear this beef in your face. What else can we do? Who do you think you are to rape my secret garden? Think I am to survive in the city. Well, have mercy, mercy, mercy on us poor people. This is my call to the voiceless. And don't let them enter your world. Don't let them burn your cloud, 'cause they're not gonna let you ask you why. Know that my door is open to my crew, but you just want to protect to come in my own, 'cause everything is free. Some guys upstairs give you the sheriff star for the control of me. You got a boulevard. Come on, chief, to the police. Some guys upstairs told you I'm a thief, but I'm not alone. But I'm not alone. You wanna protect me? Just come in my home. Everything is free. Some guys upstairs give you the sheriff star for the control of me. You got a boulevard. Come on, chief, to the police. Some guys upstairs told you I'm a thief, but I'm not alone, and we're waiting for you. We hear this beef in your face. What else can we do? You wanna protect me? Just come in my home. Everything is free. Some guys upstairs give you the sheriff star for the pas de date de concert pour Scarecrow. Par contre, je vous rappelle que ce samedi 20 mai a lieu à Stecken le SRNBC Blues Festival avec entre autres Leaky Roof, Detonics et d'autres groupes. Que le samedi 27 mai a lieu à Pure, à Ruisbrook exactement, le Duvel Blues Festival, ça commence à 15h et il y a entre autres Mark Fort and the Neptune Blues Club, groupe que vous pouvez également voir le jeudi 25 au Spirit of 66 de Verviers, et bien sûr plein d'autres dates de concerts toujours sur notre site piqueblues.fr. Pas de date de concert pour toi non plus, Francis ? Non. Non, parce que la nouveauté que je vais vous passer encore ce soir, c'est un groupe des États-Unis, mais qui, à mon avis, ne tourne pas en Europe. Je ne crois pas. Mais c'est quand même de la très bonne musique. Hein. Je vais pas vous passer de la gnognotte. C'est Jim Gustin et Truth Jones. Truth Jones, c'est une dame qui s'appelle à la ville Jerry Goldenar. Voilà, alors c'est un album qui s'appelle Memphis, qui est sorti là, ici, en tout début d'année. La particularité, c'est qu'il y a 10 titres, et comme on parle beaucoup de parité en ce moment, et ben, il y a 10 titres et il y a à chaque fois un titre où c'est Jim Gustin qui chante avec une voix assez caractéristique, caverneuse et profonde. Donc un titre chanté par monsieur et un titre chanté ensuite par Truth Jones, par madame. Ça alterne, monsieur, madame, monsieur, madame. Mm-hmm. Tout l'album comme ça. Et donc, bon, en fait, ils sont de Californie, dans la région de Los Angeles. Ils tournent beaucoup là-bas, hein, Californie. De toute façon, pour ce genre de groupe, je veux dire, il y a un très large public aux États-Unis. Et ils peuvent tourner toute l'année dans tous les États. Le blues fait toujours recette par là. Alors, on écoute un premier extrait de cet album de Jim Gustin et Truth Jones. Et c'est le premier titre. Bon, j'ai pas fait honneur aux dames. J'ai programmé le 3. Et le 3, c'est monsieur qui commence. On écoute Memphis. I've never been. Ouais, je vous l'avais dit, hein, c'était une voix bien, bien encombrée, comme on dit. Enfumée, rocailleuse, la voix de Jim Gustin, qui donc est au chant et à la guitare sur cet album. De Jim Gustin and Truth Jones. 10 titres, 10 compositions originales. Et donc, on alterne Jim Gustin et Jerry Goldenhar. Donc, alias Truth Jones au chant. Et on va écouter maintenant Madame Truth Jones sur le titre I Ain't Playing. Voici donc, nous avons passé, c'était qui Francis, Jim? Ah, c'était Justin. Jim Gustin and Truth Jones avec ici le titre avec Madame Truth Jones au chant. Voilà. Alors un tout autre style maintenant Francis, puisque je vais vous représenter l'album de Otis Taylor qui s'appelle My World Is Gone. Et j'aime particulièrement le titre Huckleberry Blues où l'on retrouve Larry Thompson à la trompette. Voici donc pour Otis Taylor, on continue avec un groupe hollandais qui s'appelle T99. Leur album sorti en 2005 s'appelle Cherry Stone Park et j'aime beaucoup leur reprise de White Wedding de Billy Idol que voici. Mmh. sister, what have you done? Hey, little sister, who's the only one? Hey, little sister, who's your Superman? Hey, little sister, who's the one you want? Hey, little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Hey, little sister, who is you? What's your fires and wish? Hey, little sister, shotgun, oh yeah. Hey, little sister, who's your Superman? Hey, little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Qui est à l'affiche du festival Who's Out in Hofke qui a lieu à Hood Turnout, donc en Belgique. Eux, ils y sont le samedi 3 juin et ce festival dure 3 jours, le vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin. Et je vous rappelle également que le 2, le 3 et le 4 juin, il y a le More Blues Festival qui a lieu à Zottegem. Le vendredi et le samedi, c'est gratuit. Le dimanche est au prix de 15 euros. Il y a entre autres Yost de Lange. Alors pour le More Blues, il y a Guy Verlinde and House Rockers, bref, plein d'autres groupes. Et je vous rappelle que piqueblues.fr est là pour que vous trouviez toutes les informations. Il est 8h-5. Francis, encore un petit titre pour toi, vas-y. Exactement, 19h55, la pendule de notre ordinateur. Oui, eh ben, encore un petit titre. Allez, je vous les ai passés il y a 2 semaines, je crois. Une nouveauté de ce début d'année, mais qui m'a beaucoup plu, c'est Monsieur Bobby Messano, guitariste, chanteur américain de la côte Est. Il vient du New Jersey, je crois. Multi-récompensé dans son domaine et dans sa région, et qui a écumé depuis plus de 50 ans. C'est donc pas non plus un perdreau de l'année, et qui a écumé toutes les scènes blues rock des États-Unis avec beaucoup de succès, Monsieur Bobby Messano. Alors il nous délivre une musique très, très vive et un style guitaristique très, très aérien. Voilà, c'est agréable à écouter. Combien il y a ? Il y a 15 titres, je crois, sur cet album. Oui. 15 titres, ben moi je vais vous en proposer un qu'on n'a pas déjà passé, Monsieur Bobby Messano de son album Bad Movie. On écoute I Thought We Had This, Bobby Messano. Pressure nose diving, barely gave it a second thought. I took it all for granted, and now I just can't stand it. Unlearn all the lessons I've been taught. Shut down my empathy and drowning in self-sympathy. Can't anticipate a brighter day. Now it's gonna be a long night if we can only get it right. All I can do is pray. I thought we had this, but we were on the road to peace. Now the wolves are at the gate, singing I have been released. I thought we had this, wish I could change it with a song. I thought we had this, but I was wrong. Thoughts across my mind are surely not the kind you think a guy like me could think. I'm waiting for a sign, but now is not the time to wonder what they put in my drink. You think you're having a ball, you think you've seen it all, then your fellow man lets you down so badly. You can call me nutty, but I'm hoping that somebody can remedy this. I would love them madly. I thought we had this, that we were on the road to peace. Now the wolves are at the gate, singing I have been released. I thought we had this, wish I could change it with a song. I thought we had this, hell I was wrong. Bobby Messano, c'était de son dernier album Bad Movie, I Thought We Had This. Et c'est avec cet artiste que Telling You se termine. Nous ne serons pas là la semaine prochaine. On va profiter de ce long week-end pour aller se balader. On vous dit donc au mois de juin et on vous laisse de suite avec Yost et son Back to the Roots.